2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Ouh, boum boum oh. Musique française curieuse. Musique française curieuse. Et en parlant de curiosité, qui j'ai autour de moi ? J'ai des gens que je n'ai pas d'habitude. J'ai quelqu'un qui prend la parole, qui ne la prend pas d'habitude en début d'émission. J'ai par exemple à ma droite. On va commencer par la gauche, en fait. Et qui ai-je à ma gauche ? J'ai l'invité du soir en bout de table, Jean-Paul Flag. Comment vas-tu, Jean-Paul Flag ? Salut, salut, ça va ? Double tchuss à tous ! Bienvenue à Prune, ça fait vraiment plaisir de t'inviter. Ah bah moi, ça me fait plaisir, c'est un nouveau lieu que je connais pas ici. Juste à ta droite, où tu as un ami à toi, sûrement ? Ouais, c'est Grégoun. Oui, c'est moi, bonsoir. Un autre membre du collectif Gritz. Ouais. Et peut-être la dernière personne, peut-être la moins importante à présenter. Je vous présente Vincent, Vincent qui va prendre la parole et qui va reprendre le lead de cette émission. Le taulier. Cette blague a duré bien trop longtemps. C'était trop bien, Jonas, on lui fait payer sa cotise ou pas ? Ah bah oui, là, ça va être obligé. Hein. Dimitri Sélectif était à la présentation. Il est encore à la présentation de cette émission. Incroyable, tu nous dois 40 euros, s'il te plaît. Ouais, j'ai pris ta place aussi, hein, vraiment. C'est le prix de la cotisation à Prune pour avoir ces studios incroyables, ces salariés incroyables, cette dynamique incroyable. Ça fait trop plaisir d'être à Prune. Ça fait trop plaisir d'accueillir Gritz ce soir pour la deuxième soirée consécutive. Let's go. Trop cool. On fait un petit big up à 44 tours aussi, pardon, à Safe Place. Oh là, je confonds tous les bars. Est-ce qu'on a dit pas trop. Non, alors on fait un big up. On fait un big up à tous les bars de Nantes. Voilà. On fait un big up à 44 tours parce qu'on a mixé chez eux vendredi dernier tous les deux et que c'était vraiment trop cool. Et que c'était mortel et que ce sont des choux à la crème de manière générale. Oh, choux à la crème, vraiment crème fine. Et on fait aussi un big up à Safe Place parce qu'on était là-bas juste avant et qu'on leur doit cette introduction un petit peu. Ouais. Et puis qu'on y joue vendredi aussi. Ah, vrai. Et la deuxième raison, ouais. Jean-Paul Flag, évidemment, c'est que vous y jouez vendredi. Il y a des restrictions sanitaires qu'on ne commentera pas ce soir qui vont nous empêcher de danser. Mais ça va être cool quand même. Gritz Old Dogs, Gritz, ce crew, ce collectif de Grandville avec plein de DJ qu'on accueille les uns après les autres dans Boum Bomo. Ça nous fait hyper plaisir. Bienvenue, Jean-Paul Flag. Bah, merci, c'est trop cool. Wouhou ! J'entends pas les auditeurs. Les applaudissements. Ouais, ouais, ouais, j'attendais les applaudissements des auditeurs dans leur voiture. Ouais. On a reçu l'an dernier Dimitri Sélectif, mais lui, ça fait 8 fois qu'on le reçoit. Il prend le lead dans Boum Bomo et tout. On a reçu aussi Dora Palmer l'an prochain. On recevra Commandant Mamou. L'an dernier. Retour vers le futur. Inch'Allah. Et ce soir, c'est toi, Jean-Paul Flag, avec une sélection. Comment peut-on commenter ta sélection ? J'ai envoyé un maximum de crottes de nez, mais tout en respectant les gestes barrières. Quoi. ça va sentir les poils et puis les épées sous les bras, tout la ça. La puberté. Ouais, pas mal. Est-ce qu'on peut parler de ton véhicule ou est-ce que c'est pas encore le moment ? Ouais, on peut. Attends, il vient toujours le moment de parler de ton véhicule. Est-ce que c'est vraiment encore son véhicule, quoi ? On parlera pas de ce genre de débat. Tu es l'heureux propriétaire d'un C15 Break, mais what ? Non, C15 camping-car, C15 Autostar. Allez streamer ça à fond. Ouais, C15 camping-car, c'est un bonheur. Il partage ma vie depuis 2 ans maintenant. Là, on va se lâcher un petit peu. Je vais quand même essayer de dormir dedans pendant 4 mois. Mais voilà, ça va être un bonheur quand même. Vous êtes toujours à l'écoute de Turbo. Sur M6. Ta-na-na-na. C'est le lancement d'émission le plus bordélique qu'on ait connu depuis un bon moment. Et on aime ça, on aime ça. Jean-Paul Flag, ton premier morceau. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est danser l'aérobic. Préparez-vous à faire du sport. Alors, si vous écoutez ça en podcast, si c'est le matin, c'est un bonheur, ça va vous réveiller. Faites du sport, quoi. Jean-Paul Flack dans Boom Bomo, le collectif Grid, c'est à l'honneur. On kiffe trop les invités parce qu'ils sont trop cool et qu'ils passent du bon son. En général, Jean-Paul Flack, on n'a absolument aucun doute sur le fait que ta sélection va être trop cool. On est ensemble sur Prune jusqu'à 23h et les 22h05. Peut-être qu'on reprendra la parole au milieu. Peut-être qu'on vous laissera tranquille jusqu'à 22h55. Jean-Paul Flack, Boom Bomo, le collectif Grid. Jonas, tu peux envoyer, s'il te plaît. Manger des clémentines. Trottinez sur place en levant le genou droit puis le genou gauche. Relâchez vos bras. Et surtout, pensez bien à souffler. Attention, et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Continuez. Encore. Droite, gauche, droite, gauche. Enchaînez les talons aux fesses. Sautillez à pieds joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuez. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sautillez les jambes écartées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. Restez sur place. Une fois, en avant, puis en arrière, 8 fois, et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, en avant, en arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, levez l'épaule droite, 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'épaule gauche. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À présent, main derrière la nuque, penchez le buste sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. reine. Je te mens à la chaîne. Okay. Vous êtes sur Boom Bomo et FJ Jean-Paul Flag. C'était quoi ce track incroyable? Ah, c'était Amandine Pipi Caca. Ça, c'est du rap conscient comme on l'aime. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est pour mes sauces, pour les gars bien lourds. Ouais, tes associés ils rigolent zéro. Ah non, ça rigole R. Pipi Caca et puis tout ce qu'il y a autour, on n'imagine même pas. Et c'est comme ça. Ça balance du caca sur la police. C'est sûr. Et du pipi aussi. Ah, et puis c'est sur les chemises de balcon. Alors, attendez, Jonah, on va reprendre un petit peu c'est les choses sérieux, ça va pas du tout. Le crew, le collectif Grit, mais ça. Et ton manette sans limite. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, putain. C'est toi, Vincent, en même temps. Il dit ouais, reprends FJ, le micro. Jean-Paul Flag, Amandine Pipi Caca. Tu sais que celui-là, il est un peu connu quand même dans, le, dans l'univers du French Boogie. On l'a jamais passé dans Boom Boom Boom. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai. Personne n'ose en fait. Je pense que personne n'a osé. Le Amandine Pipi Caca, on l'a jamais passé. Qu'est-ce que tu joues après? Qu'est-ce que t'as joué avant? Tu peux nous raconter. Caca Pipi de. Avant, juste avant, c'était le petit Antoine, la famille cool. Et après, je crois que c'est une sélection de musique enfantin, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, je suis un enfant. Okay. Écoute. Et ouais, le prochain, c'est Richard Gottener, primitif, évidemment. Allez, on part sur Richard Gottener. Ah, ouais. Il est 22h23. Le collectif Grits a pris la parole, mais j'essaye de reprendre le micro autant que je peux. Oh putain, le salaud. T'as besoin de roter. C'est Boom Bomo. Son qui va. On va jusqu'à 23h. Écrire tous les arbres avec un canif pour faire de mots d'amour en allemand. Sauver ton temps et l'univers.

rigole, on va pas la refaire à chaque fois. Et en plus, une reprise sur un morceau de musique électronique avec des raw samplés. Quel morceau ne pas peut... Oula. Quel morceau ne peut ne pas mieux représenter Jean-Paul voilà. Flagg qu'un voilà. morceau avec des raw. On peut l'applaudir, merci, on peut l'applaudir. Merci, ouh merci, merci. Ça, c'est mon Jean-Paul. Bah ouais, je suis un vilain garnement. Ouais, attends, mais François, c'est quoi ce morceau avec des raw? Bah c'est The Burp. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans T'es Fou. Et Thomas, c'est toi qui me l'as offert, bien sûr, ce disque. Parce qu'on ah ouais. est amis depuis 20 ans maintenant. Il 20 me années. Connaît par cœur. Vlatipa. Ben oui, c'était merci. En flash sur tfou.fr. Seuls les vrais savent. Streamez fort, streamez fort. Streamez fort, tfou.fr. En fait, on est reparti. Bah Vincent, reprends le lead. Hein. Démerde-toi avec ça, Vincent. Bonsoir, comment ça va, Jonas? Ça va pas mal, du coup. Belle énergie, un... là. Hein. On s'est fait un peu pirater ce très soir. Très bien, très bien. Les gars de Gritz ont pris le micro. C'était chambé ce live, c'était chambé cette énergie. Bravo Jean-Paul Flagg, c'était bah, merci, cool, ce mix. Trop cool, trop cool. Merci. Très, très enfantin, très sur les 45 tours, un peu pipi caca. Le Amandine était incroyable. Waouh, je l'adore celui-là, je l'adore. Mortel. J'ai envie de lancer du caca sur tout le monde. Heureusement, il y a une vitre. Heureusement qu'il y a des vitres pour toi. Vous êtes tous comme ça dans Grit. Il y en a combien encore qu'on n'a pas invité? Parce que là, Dimitri Sélectif, c'est fait. Dora Palmer, c'est fait. Mais on l'a eu à distance. Donc peut-être que c'est un affreux garnement aussi. Ouais, Commandant Mamour, il est en face de moi. Mais il n'a pas mixé ce soir. Peut-être qu'il est encore pire quand il mixe. Il reste un DJ qui est aussi efficace que... Oh, il est terrible même. C'est lequel? Lucas. C'est Lucas. Joli look, c'est Luca. C'est peut-être le plus beau de tous. Ouais. Et d'ailleurs clairement. Là, on va mettre une... Mais... Va mettre une... Ah putain, oui, c'est vrai, ça transition, transition. Transition de dingue, là. Mais en fait, c'est avec... là, on va mettre Radio Makita. C'est une chanson qu'on a fait avec lui. Et on n'a pas encore de nom de groupe, donc n'allez pas chercher ça. La première fois que quand vous l'avez entendu, sortir. C'était sur Prune Radio, en fait. Avant ça. Et maintenant, on va faire tourner la Skyroulette. Et on reçoit Ophélie de Perpignan. Et le double appel. Et la blague du Belge. Pascal le militaire, là, les gars. Allez, ma tu t'es branlé combien de fois cette semaine? Stop, ok, stop. Maintenant, j'en ai marre. On arrête. Ah putain, vous me respectez. Non, stop, je voulais dire, on fait un minimum de promo pour la soirée de vendredi prochain à Safe Place, parce que vous mixez tous les trois, Commandant Mamour, Jean-Paul Flagg, Dimitri Sélectif. Tout à fait, on fait pas que raconter des conneries, on fait aussi les choses intelligemment, on sélectionne les disques, on les achète. Oui, bah, mais pas la pression. Et du coup, on joue vendredi à Safe Place. On va jouer nos meilleurs disques, sûrement un petit peu ralenti pour respecter un petit peu bien sûr. Le fait de ne pas avoir le droit de danser abondamment. Moi, j'irai faire ma caisse. Okay. Mais on va essayer de faire ça bien, le plus intelligemment possible. Mais bien, dans tous les cas. Vous allez le payer. Intelligence et grit, ça m'a pas l'air d'être hyper associé, mais bref. Non, on essaye d'éviter. On se retrouve vendredi soir à Safe Place. Franchement, grit, ça fait 4 fois qu'on vous reçoit, 5 fois. Vas-y, pète les micros, n'hésite pas. Il a pété le micro et l'ordinateur en même temps, il n'y a pas de problème. Merci, grit. Ça ne fait de rien, plaisir. Merci, Vincent. Je vous accueille l'an prochain. Merci, Vincent. T'es un chouette garçon. Désolé pour le bordel. Parlez pas tous en même temps. Putain. Est-ce que je peux te couper la parole? Bah non, bah tu fais que ça, vas-y. Vas-y, dis un truc. Ben merci à tous, en tout cas, c'était super. C'est un vrai bordel, on dirait Andy Way cette émission, putain, n'importe quoi. Le dernier morceau, Jean-Paul Flagg, c'est quoi, rappelle-nous? C'est Radio Makita, il n'y a pas encore nom de groupe, mais... Incroyable, je suis une exclue, Boom Bomo, Grit, Jean-Paul Flagg, c'était hyper cool. Jonas, envoie la sauce, merci. Merci Vincent. Ciao les petits loups.